Maxi Sud. Oui, bonjour, Paul Martinet, maire de la Salvetat Perales. Voilà, donc on a reçu un communiqué de la mairie de la Salvetat Perales qui indiquait que donc la station de service communale était fermée temporairement. Oui, elle est fermée temporairement puisqu'on avait les cuves à sec et que vendredi, on aurait dû rentrer. Le prix de vente aurait été 2,45 plus 5 centimes de marge, ça aurait été 2,50. On a refusé d'acheter alors que dans le secteur, des prix se vendaient en particulier à la pompe à essence de Mirandol, Total Énergie vendait 2,04. Alors comment on en est arrivé à ce stade-là, à la Salvetat? Eh bien, si vous voulez, je suis vu d'un mauvais moment. Donc, on n'a pas pris le risque d'acheter, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, les prix sont à 2,33. Est-ce qu'on peut dire que l'État est responsable? Eh bien, l'État, pour moi, il est responsable, parce que il aurait dû bloquer tous les prix à la sortie des raffineries, que ce soit égalitaire pour tous les Français. Voilà, si Total a pu le faire, tout le monde pouvait le faire. Et comment vous voyez l'avenir des stations de service et surtout des stations municipales? Les stations de service, on s'adapte. Aujourd'hui, j'aurais pu acheter à 2,33, donc on aurait rouvert la station, mais on n'a pas pu être livré. Mais sinon, on pense aux gens, vous savez, ça nous crève le cœur d'avoir fermé. Mais à un moment donné, il faut regarder les finances. De vendredi à aujourd'hui, c'était 7 500 € de perdu. Alors, si on n'a pas acheté, c'est dans la poche des habitants du village. C'est pas dans ma poche. Alors, que faut-il faire pour changer ce système? Eh bien, je crois que tant qu'on n'aura que Trump qui trompe énormément, on sera dans la merde. Voilà, donc vous avez quand même un brin d'optimisme quand même? Mais oui, parce que si vous voulez, on défend la proximité, je le dis aux habitants. Il y en a, vous savez qu'il y en a qui gueulent, il y en a qui comprennent. Donc aujourd'hui, c'est un passage, il fallait un peu taper sur la table, parce que c'est anormal qu'il y ait une différence de prix de 40 centimes. Et puis j'espère que tout va s'arranger pour tout le monde. On est là pour vivre la proximité et garder les gens dans notre village. Bon, là, faut souligner que c'est temporaire, c'est ça, hein, c'est bien le mot. Aujourd'hui, on a failli acheter si on était livré. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de stations de service municipales ou communales, mais le fonctionnement en tant que maire, ça fonctionne comment, une station de service? Eh bien, une station de service, on est pris l'achat, il faut faire un achat le matin entre 10h et midi. Voilà, les pétroliers. Et on est livré le lendemain. Et alors, c'est suivant le prix du Brent. Suivant le prix du Brent, qui est la veille de 10h à midi, on nous répond pour un prix. Donc, il fluctue tous les jours et toutes les heures. Donc, comme une entreprise, vous êtes sur téléphone tous les jours? On regarde sur le portable quelle est la variation. Et après, on achète. Et après, c'est le loto. Il y a des fois, on se mord la langue parce qu'on n'a pas acheté. Des fois, on a bien acheté, voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, des fois, on joue un peu au loto. De toute façon, j'ai alerté la sous-préfète parce que je trouvais que c'était normal que l'État aujourd'hui soit partie prenante de nos difficultés et que les gens qui travaillent chez nous, c'est la ruralité, il n'y a pas de transport en commun et ils sont beaucoup impactés par le prix du gasoil ou de l'énergie. Et c'est vrai que bloquer les prix aux pétroliers pour qu'on ait un prix juste, il faut qu'ils vivent et il faut que nous en vivent. Je ne veux pas avoir des spéculateurs en face. Non, mais il fait bien vivre à la Salvetat Perales. Il y aura bientôt une station et vous pouvez venir au commerce, les commerces vous attendent, on a tous les commerces de proximité et un centre médical qui marche très bien. Voilà un beau village où même en vélo on peut se faire plaisir aussi. Et bien aujourd'hui il y avait beaucoup de vélos qui sont passés, alors on a rigolé, on a dit c'est parce que la station est fermée que tout le monde roule à vélo.